Chapitre 7e. Vers la fin de juillet, après une journée de chaleur écrasante, Madame Bricard prenait le frais dans son joli petit salon. Paul assistait à un dîner de cérémonie et ne devait rentrer que tard. Bébé dormait dans la salle voisine, dont la porte entr'ouverte laissait filtrer une faible lueur de la veilleuse. Éclair avait fait emporter la lampe. Les lumières de la place du Châtelet suffisaient, du reste, à éclairer l'appartement. La jeune femme, assise auprès de la fenêtre, jouissait de cette belle soirée avec délices. Quand on n'a pas son mari auprès de soi, savoir qu'il va bientôt rentrer est encore une chose fort agréable. C'était du moins l'avis de Madame Bricard. La solitude, que d'aucuns trouvent odieuse, a pour les heureux un charme particulier. De même qu'un avare s'enferme pour compter son trésor, on aime à rester un peu seul pour se rappeler toutes les joies et pour rendre intérieurement grâce à la destinée. C'est ce que faisait Claire. Renversée dans son fauteuil, les yeux perdus dans un coin de sombre azur qui passait entre la cime de deux arbres, et où elle voyait briller une étoile, elle se rappelait sa vie pleine de bénédictions et de joie tranquille. Durant ses jours de fiançailles, sous l'œil de sa mère prudente et sage, elle avait appris la patience. 20 années de mariage avaient enseigné à Madame Loger que les idées de son mari étaient des obstacles à tourner, non des résistances à forcer. Le souvenir de cette époque était un de ceux que Claire rappelait le plus volontiers. Puis étaient venues les joies triomphantes de l'amour avoué, le jour qu'il avait enfin donné à Paul, la gravité recueillie des premiers temps de son mariage, puis les émotions de la jeune femme qui prend de la vie son assiette définitive, qui se sent une compagne et une amie, qui s'accoutume à voir la considération due à l'épouse prendre la place de la familiarité joyeuse si naturelle envers la jeune fille, puis la maternité que Claire avait sentie se poser sur elle comme une couronne, comme la consécration d'une vie si bien remplie, comme la récompense de ses vertus d'épouse. Tout cela était très doux, très sérieux, presque grave, et Claire pressa sur son sein ému ses mains jointes, comme pour y réunir dans une étreinte le cher époux absent et l'enfant adoré endormi. Un vigoureux coup de sonnette retentit, et la jeune femme se leva en sursaut. « Déjà Paul, se dit-elle effrayée, mais il ne sonne pas ainsi. » Elle courut à la porte du salon et vit entrer une forme féminine. « C'est moi, Camille. » fit la nouvelle venue, haut et d'un ton dégagé. « Je ne te dérange pas. »« Je suis seule, » répondit Claire avec un léger serrement de cœur. Cette voix, cette présence venait de rompre le charme de ses souvenirs. Après son silence et son recueillement, il lui semblait entrer dans une salle trop violemment éclairée et cela lui faisait mal. Elle était retournée auprès de la fenêtre et, machinalement, elle offrit une chaise à la nouvelle venue, qui s'y laissa tomber d'un air indifférent. « Toute seule et sans lumière ?» dit Camille d'une voix légèrement ironique. « Un peu de poésie. Mais tu as toujours eu l'âme poétique. »« Je ne sais pas si c'est de la poésie, » dit Claire, non sans effort, car elle était mal réveillée de son rêve. « Mais je me trouve fort bien ici. La demi-obscurité me repose les yeux. »« Et ton mari ?» fit Camille sans paraître y attacher d'importance. « Mon mari dîne en ville. Si je te dérange, il faut me le dire. Tu sais qu'un de mes désirs en ce monde est de ne jamais déranger personne. » « Tu ne peux me déranger, puisque j'étais seule. » »« Et comme dit Calino, occupé à ne rien faire, » répondit Claire en se forçant à être cordiale, malgré une grande lassitude qui venait soudain de tomber sur elle. « Alors je reste. Tu es peut-être étonné de me voir venir à cette heure indue. »« En effet, quelle heure est-il ? » ?»« Environ 9h30, ma chère. Mon oncle et ma tante doivent être couchés, mais moi je n'ai pas sommeil et je suis venu te voir. »« Je te remercie, » fit Claire en souriant. « Mais pourquoi à cette heure ?» J'étouffe dans ma chambre, et je crois que la fraîcheur de la nuit me fait un bien immense. J'ai pris depuis quelques jours l'habitude de me promener tous les soirs. Et quand il pleut, je prends un parapluie. Et tes parents, que disent-ils de cela? Je ne leur ai pas demandé. Je crois bien qu'au commencement, cela les a ennuyés, mais ils s'y sont faits. Claire pensa qu'on ne se fait pas aisément à la pensée qu'un être cher et dont on est responsable court les rues le soir tout seul, surtout quand cet être est une jeune fille d'une beauté incontestable. Mais elle n'en dit rien. « Il y a de quoi devenir fou, » reprit Camille, « de tourner la même cage comme un écureuil, le jour et la nuit, sans repos ni trêve. Mes promenades me changent les idées. Je suis enchantée d'avoir fait cette découverte. » Claire continua de ne rien dire. Il lui semblait qu'on pouvait se changer les idées sans sortir le soir toute seule. Il lui était arrivé à elle de sortir seule le soir quand la nécessité l'y forçait. Une nuit, entre autres, quelques années auparavant, sa bonne étant malade, son mari fort souffrant, elle était allée porter à son adresse un travail extrêmement pressé qu'il n'avait pu terminer avant minuit. Pour ne pas compromettre la réputation d'exactitude que Paul Bricard n'avait jamais démentie, elle avait mis un manteau, un capuchon, et malgré les prières de son mari qui la conjurait de n'en rien faire, elle avait jeté le précieux manuscrit dans la boîte aux lettres que presque toutes les maisons possèdent en Provence. Cette course, dans la petite ville de Saint-Martin, où elle n'avait rien à craindre, lui avait laissé des souvenirs pénibles. La rencontre de quelques hommes avinés lui avait causé moins de frayeur que celle de deux femmes qui parlaient haut et riaient aux éclats sur le cours. Elle avait passé honteuse comme une coupable, évitant les réverbères, et s'en était revenue bien vite, satisfaite d'avoir fait une chose utile et humiliée de penser que la nuit couvrait tant de vilenie de son énorme manteau. Avec de tels souvenirs, la manie noctambule de Camille lui paraissait moins explicable qu'à tout autre. « À quoi penses-tu ? » lui dit brusquement Camille. « Je t'écoute, » répondit la jeune femme en se redressant sur son fauteuil. « Eh bien, qu'en dis-tu ? » « Je ne dis rien, chacun agit selon ses goûts. Pour ma part, je n'aime pas sortir sans mon mari, le soir moins que jamais. »« Eh, ma chère, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un mari. On fait ce qu'on peut, » répliqua Camille avec un petit rire nerveux et saccadé. « Que fait le tien ? » ajouta-t-elle aussitôt. « Il dîne en ville, » répondit Claire, qui se sentait envahie par une sorte de malaise. Cette voix décidée, ses manières tranchantes, lui déplaisaient et la blessaient presque, sans qu'elle pût s'expliquer pourquoi. Cela lui arrive souvent ? Presque jamais. C'est un dîner de coterie. Il y a des camarades auxquels on ne peut refuser. On aurait l'air de se tenir volontairement à l'écart. On peut toujours refuser, fit nettement Camille. Je ne pense pas, reprit la jeune femme, sentant qu'elle défendait son mari contre une insinuation qu'elle ne voulait ni ne pouvait comprendre. Quand on est plus riche ou plus influent, on ne peut pas refuser à des amis qu'on a connus dans la médiocrité. On aurait l'air de leur tourner le dos. Bon, ma bonne amie, les hommes excellent à trouver des prétextes pour colorer leur fantaisie du jour de la vraisemblance. Au fond, ils sont enchantés de ne pas dîner chez eux. Voilà la vérité. » Camille se reprit à rire de son petit rire saccadé et aussitôt après une violente quinte de toux ébranla sa poitrine. Elle porta son mouchoir à sa bouche, se renversa dans un fauteuil et resta muette un instant. « Tu tousses beaucoup ?» lui dit avec intérêt clair, soudain inquiète et comprenant enfin qu'il se passait quelque chose d'anormal dans l'esprit de son amie. « Est-ce que cela t'arrive souvent ?»« Mais oui, ma chère amie, très souvent. Depuis longtemps. 2-3 mois. Tu ne devrais pas sortir le soir jusqu'à ce que ton rhume fût guéri. Ce n'est pas un rhume. Qu'est-ce donc ?» fit Claire, anxieuse, se rappelant soudain certaines rumeurs de Saint-Martin-les-Mines. Camille garda un instant le silence, puis, poussée par on ne sait quel instinct étrange, « Ma mère est morte à 26 ans, dit-elle, après avoir toussé quelques mois. J'ai 25 ans révolus, voilà tout. » Claire frissonna. En effet, parmi ses souvenirs d'enfance, un des plus vifs était celui de l'entrée de Camille chez eux pendant qu'on enterrait sa mère. Cette petite figure pâle, ses grands yeux cernés, ses mains fluettes sur cette robe noire lui avaient laissé l'impression d'une catastrophe indiciblement douloureuse. Elle se leva, et son malaise moral disparut soudain. « As-tu vu un médecin ? » demanda-t-elle à voix basse, en posant sa main familière et caressante sur l'épaule de son amie. L'évocation de ce souvenir pénible venait de la lui rendre 100 fois plus chère. Elle l'aimait autant en ce moment qu'au meilleur jour de leur amitié enfantine, et de plus, la crainte nouvelle lui inspirait un redoublement de tendresse. Camille secoua la tête avec son petit rire nerveux. Malgré elle, Claire retira sa main. « Ma tante et mon oncle m'ont fait ausculter par leur vieux médecin, » dit la jeune fille. « Eh bien ?»« Eh bien rien. Est-ce qu'ils y entendent quelque chose ?» Elle fut reprise d'une autre quinte, qui cette fois dura plus longtemps et la laissa très faible. Claire s'aperçut alors que cette manie de se promener le soir pouvait bien être le résultat d'un accès de fièvre. Elle pressa légèrement le poignet de son amie. La peau était sèche et brûlante. L'artère battait vite avec des mouvements convulsifs. Elle eut peur. « Camille ?» dit-elle. « Tu es très malade ?»« C'est le moral qui est malade, » dit la jeune fille. « N'en parlons pas. Parlons de toi. Nous ne sommes jamais seuls, on ne peut pas causer. Raconte-moi donc un peu ton mariage. Au fond, je n'ai jamais su comment c'était arrivé. » Avec quelque défiance d'abord, car Claire craignait de blesser les susceptibilités infiniment multiples de son amie, puis avec plus d'abandon à mesure qu'elle pénétrait dans les détails de ce temps heureux qu'elle aimait à relire, comme un livre su par cœur et toujours relu avec passion, elle lui raconta l'histoire de cet amour, si simple et si honnête. comment Brécard l'avait aimée, on ne sait pourquoi. Peut-être parce qu'elle adorait sa mère. Peut-être parce qu'elle faisait d'excellents petits gâteaux, disait-elle en souriant. Comment il le lui avait laissé voir et de quelle façon un jour qu'il se trouvait seul et qu'il allait parler, elle le sentait bien. Elle avait couru chercher sa mère dans la pièce voisine et les avait laissés ensemble. Comment c'était Madame Loger qui avait reçu l'aveu du jeune homme. Elle lui avait conseillé de garder momentanément le silence vis-à-vis de son mari, excellent d'ailleurs, mais qui représentait une curieuse espèce de Joseph Prudhomme et qui voulait irrévocablement pour gendre un fonctionnaire décoré. Il le lui fallait décoré et fonctionnaire du gouvernement. L'un des deux ne lui suffisait pas. « Eh bien ?» demanda Camille qui écoutait en retenant sa respiration. « Eh bien, cela a duré 18 mois. » Petit à petit, maman amenait mon père à l'idée d'avoir un gendre non décoré, d'abord, et pas fonctionnaire, ensuite. Il y avait des hauts et des bas. Des jours, papa avait l'air de céder, et d'autres où, ayant la goutte, il était plus intraitable que jamais. J'écoutais les discussions en silence, le cœur bien gros. Heureusement, le soir, on se voyait tantôt ici, tantôt là. « Mais vous ne vous parliez jamais dans ce temps-là ? » interrompit Camille. « Je crois bien, mais nous nous regardions. » Un jour, papa vaincu s'écria. « Encore. Si l'on pouvait trouver un gendre comme Paul Brécard, en voilà un qui fera son chemin, qui sera décoré et fonctionnaire. » J'allais sauter au cou de papa et lui crier « Je l'adore !» Maman me fit signe heureusement et m'envoya dans la lingerie. Je ne dormis pas de toute la nuit. Il me semblait que nous allions être mariés dans les 24 heures. Le lendemain matin, il neigeait. Papa avait du rhumatisme dans le genou gauche et il ne voulait plus de gendre du tout. C'est maman qui en a dépensé de la patience, pauvre mère. Et tout cela pour se voir un jour abandonnée lâchement par ceux qu'elle avait mariés de ses propres mains. Claire riait en essuyant une larme, mais la voix de Camille la rappela à son récit. « C'est dans ce temps-là, reprit-elle, que Paul faisait la cour à toutes les demoiselles. Moi comprise, interrompit Camille. Un souvenir important traversa l'esprit de Madame Brécard, mais elle l'écarta sur le champ. « Toi comprise, naturellement, répondit-elle, autrement ce n'eût pas été juste. Et voilà qu'un jour, un fonctionnaire décoré fit à mon père je ne sais quelle sottise. « Jamais, s'écria-t-il, un homme de cette espèce ne sera mon gendre. » Maman saisit le joint, comme dit mon mari. Elle avait bien préparé le terrain, et ses paroles ne furent pas perdues. 8 jours après, mon mari faisait sa demande de la façon la plus froide et la plus formelle, tout comme si je n'avais été qu'une figure de géométrie, et mon père, après m'avoir consulté, le plus gravement du monde, accordait ma main à le refiancer. Il est juste de dire que dans l'intervalle, celui-ci était devenu fonctionnaire, mais il n'est toujours pas décoré. « Et puis ?» demanda Camille. « Et puis, on nous maria, » répondit Claire. « Raconte-moi cela. » « Cela ne se raconte pas, » répliqua la jeune femme en souriant. « Je ne me rappelais plus rien. J'avais une robe blanche, et l'on ferma la portière de la voiture sur la queue, de sorte qu'il fallait ouvrir les 2 portières à la fois pour me faire sortir. Il paraît que ce fut une très belle noce. Pendant la messe, il y avait un ténor amateur qui chantait très faux. Et puis on déjeuna, et puis on dîna, et puis on soupa. Tu sais bien ce qu'on peut avaler de nourriture à Saint-Martin sans en mourir d'indigestion. Moi, je n'ai rien mangé, mais j'étais bien contente. Et ton mari ? Il ne disait rien. Nous étions l'un à côté de l'autre. Je sentais de temps en temps la manche de son habit contre mon voile. Quand il m'a donné la main, elle était toute froide à travers son gant. Je crois que nous avions l'air très bêtes, du moins, je le suppose. Et après ? Après ? C'était bien drôle d'avoir une maison à moi, des clés à moi, du linge à moi. Je crois que les 8 premiers jours, j'ai mis la lingerie sans dessus-dessous au moins 1 fois par jour, pour obtenir un plus bel effet. Et puis, j'allais à la cuisine goûter les sauces, et je les goûtais tant de fois que lorsqu'elles arrivaient sur la table, il n'en restait plus. Mais je crois que je ne goûtais pas tout et que la bonne y était pour quelque chose, car je changeais de bonne et depuis, il resta de la sauce, quand même je l'avais goûté plusieurs fois. Et ton mari, que disait-il ? Il était content de tout. Il a toujours été content de tout. C'est le meilleur homme qu'il y ait au monde. Camille aurait voulu questionner encore et ne savait plus comment faire. Elle absorbait avec volupté le poison qui la brûlait depuis 2 mois. D'abord, elle avait faiblement lutté contre elle-même, puis il s'était fait un calme menteur. La présence de Paul ne la troublait pas plus que son absence, ce qu'elle avait considéré comme une preuve d'indifférence. Elle ne s'était pas dit que peut-être cette froideur apparente venait de ce qu'elle ne vivait plus qu'en lui, de son souvenir, de l'écho de sa voix, du bruit de ses pas. Elle venait chez Claire, et si Paul était absent, elle ne le regrettait pas. Peut-être le préférait-elle. Elle pouvait interroger sa femme, toucher mille objets qui lui appartenaient, respirer cette odeur particulière à chaque intérieur qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui caractérise pour les chiens et les aveugles la présence de tel ou tel individu, de telle ou telle famille. Le parfum très doux et fugitif que Claire portait sur elle et qu'elle mettait dans les armoires, mêlé avec une odeur de Londres, était la marque distinctive de Paul et de ce qui lui appartenait. Camille la respirait avec délice et se faisait prêter des livres qu'elle ne lisait pas, seulement pour emporter chez elle l'odeur de ce cabinet de travail qui la plongeait dans une ivresse comparable à celle de l'opium. Elle n'aimait plus Paul, puisqu'elle n'éprouvait plus en sa présence de battements de cœur ni de rougeurs subites. Elle l'avait cru 8 jours. Puis, la passion irrésistible l'avait mordue au cœur un soir qu'elle le contemplait en veston de travail, debout, sous la lampe, superbe avec sa cravate un peu lâche et son cou dégagé. Un flot de regrets, de vœux confus, l'avait prise à la gorge. Elle eût voulu tomber à terre devant lui et sentir le pied de cet homme lui fouler le corps, heureuse de mourir par lui, puisqu'il ne voulait pas vivre pour elle. Cette minute de folie laissa Camille très humiliée. Elle l'aimait donc, malgré tout, après avoir cru ne plus se soucier de lui. Alors, elle tergiversa avec sa conscience, et son orgueil lui tendit une planche de salut. Certes, jamais il ne saurait qu'elle l'aimait. Elle connaissait le devoir dont la règle austère avait toujours dirigé sa vie. Son devoir était de laisser à Claire le mari que Dieu et les hommes lui avaient donné. D'ailleurs, qu'importait à cette vierge orgueilleuse ce que les hommes appellent l'amour et qu'elle trouvait méprisable et vulgaire? Ce qu'elle voulait de lui, c'était son estime, son amitié complète. Claire avait des vertus, certainement, mais Claire était bien matérielle. Elle aimait la bonne chère, les beaux meubles, les toilettes élégantes. Elle s'occupait du ménage et de l'enfant. C'était des soins que Camille lui laissait. Mais à côté de ces détails de la vie, il y avait place pour autre chose. Paul méritait une amie qui le comprit, qui éleva à ces régions de l'idéal son âme que Claire amenait sans cesse vers la terre. Oui, il y avait quelque chose de plus élevé que l'amour conjugal, toujours mêlé d'un peu d'argile. Il y avait une amitié sereine, idéale, presque sainte. C'est là ce que Camille pouvait offrir à Paul Bricard, sans rien ravir à sa femme. C'est à ce sophisme que s'arrêta la jeune fille, parant des plus beaux noms l'amour passionné qu'elle portait au mari d'une autre. À partir de ce moment, elle n'eut plus d'hésitation, plus de remords. Elle avait fait la part de Claire. Claire n'avait rien à réclamer puisque son amie n'offrait à Paul que ce qu'elle-même ne pouvait pas lui donner. Elle accepta dès lors l'offre que Madame Bricard lui avait faite de venir aussi souvent qu'elle le voudrait. Elle vint 2 fois, 3 fois par semaine, dans la journée, vers l'heure des repas, où elle était certaine de trouver Paul chez lui. Elle assistait à leur déjeuner sans y participer, causant avec les 2 époux, mais plutôt avec le mari, car la jeune femme, occupée de faire manger son fils, de surveiller le service, ne prêtait à leurs propos qu'une oreille distraite. Au bout de 2 semaines, on ne l'annonçait plus, elle entrait et sortait comme quelqu'un de la maison. Paul et sa femme s'étaient faits à ses allures. Seul l'enfant n'avait rien accepté, il détestait instinctivement Camille et quand elle était là, ne disait pas un mot. Il détestait Camille, mais Camille le haïssait bien davantage. Haïr cet innocent? Certes, l'haïssait cet enfant, cette œuvre de la chair, cette preuve irrécusable de l'amour des 2 époux. Sans lui, elle eût pu rêver on ne sait quelle étrange existence où les époux vivraient côte à côte, frères et sœurs, mais non amants. Son imagination de jeune fille l'eût alors fait grâce d'une torture qu'elle cherchait vainement à éviter. Elle haïssait l'enfant comme elle haïssait la chambre de Claire et le grand lit avec ses 2 oreillers. Elle pouvait supporter d'entendre Paul tutoyer sa femme, car elle la tutoyait. Elle lui pardonnait de l'embrasser au front devant elle, car Claire embrassait parfois son amie, mais l'enfant, rien ne pouvait l'empêcher d'être là. Aussi bébé devenait grave en la voyant paraître. S'il eût su parler, il aurait dit bien des choses. Mais son langage n'était pas à la hauteur de ses sentiments, et il se contenta de refuser obstinément son front à des baisers que la jeune fille cessa bientôt de lui offrir. Claire ne voyait rien. Elle avait toujours trouvé son amie originale, et aucune excentricité de sa part ne l'étonnait plus. Depuis l'enfance, soit par débonnaireté, soit par cet instinct de soumission qui fait équilibre en nous à l'instinct de l'indépendance, elle s'était laissée moriginer par Camille. Celle-ci la grondait à tort et à travers, lui rattachait ses rubans dénoués par la danse, lui faisait des sermons sur la nécessité de remettre les objets à leur place. Sermons fort inutiles, car Claire avait au moins autant d'ordre que son ami, bien que le sien fût moins méthodiste et moins désagréable à son prochain. C'était encore Camille qui faisait à Claire des homélies sur le devoir en général, sur l'abnégation, sur le détachement des choses de ce monde. Tant de gronderies, de sermons et d'homélies avaient accoutumé Madame Brécard, alors qu'elle n'était que Mademoiselle Loger, à courber la tête devant son amie, à peu près comme on courbe la tête quand il pleut pour ne pas recevoir l'eau du ciel en plein visage. Aussi avait-elle repris sans effort l'habitude de se voir critiquer en toutes choses. Peu importait d'ailleurs à cette femme heureuse les petites gronderies de son amie moins fortunée. Elle ne s'était pas préoccupée davantage de la manière dont Camille la négligeait pour s'adresser exclusivement à son mari. Elle ne l'avait pas même remarqué. Son âme sereine ignorait la jalousie et ses inquiétudes mesquines. D'ailleurs, préoccupée de l'idée que son amie finirait par épouser Mirmont, elle ne négligeait rien pour les faire se rencontrer, et son attention était uniquement concentrée sur ce point. Il y a des gens qui s'infiltrent dans les maisons sans qu'on sache pourquoi et qui y prennent racine, sans qu'il soit possible de s'expliquer comment. Gustave Mirmont était venu dîner chez M. et Mme Brécard avec la famille Froger. Rien de plus naturel puisqu'il était invité. Il avait fait dans la huitaine sa visite de digestion. C'était dû. Puis, environ 8 jours après, il était revenu, apportant une loge du ministère pour le Théâtre Français, où l'on donnait un drame en vers extrêmement couru. Madame Brécard avait accepté la loge avec reconnaissance, tout en disant que c'était de la part de Mirmont une manière habile de lui fournir un prétexte pour rencontrer Camille. Comme elle était aussi avisée que charitable, elle invita la jeune fille et pria M. Mirmont de venir les voir dans leur loge. Camille se rendit à l'invitation parce que ce n'était pas un dimanche. Le dimanche, tout au plus, se permettait-elle un peu de musique sacrée. Mais ses principes ne lui interdisaient pas sans doute de jouir de la présence de Paul Brécard, même le dimanche, car c'est ce jour qu'elle avait choisi pour faire au jeune couple ses plus longues visites. Il est juste de dire qu'en semaine, elle n'avait guère le temps d'y rester grâce à ses occupations. Mirmont était venu dans la loge. Il y avait passé environ 1 heure et, chose moins invraisemblable qu'on ne pourrait le supposer, plus il se fortifiait dans la conviction que Camille aimait Paul Brécard, plus il se sentait pris de passion pour elle. Cette jeune fille qui adorait un homme marié lui paraissait quelque chose d'exquis et d'inabordable, et la difficulté de vaincre redoublait sa passion. Cependant, il s'était convaincu que malgré ses allures extraordinaires, Camille était irréprochable. Cette conviction, qui avait commencé par lui être désagréable, car ce n'était pas une épouse qu'il cherchait, peu à peu lui devenait plus chère, à mesure qu'il prenait plus d'estime pour la jeune fille. Il en était venu, au bout de 2 mois, à admirer sincèrement la passion contenue qui cernait les yeux de Camille et mettait sur ses joues les taches rouges de la consomption, sans qu'aucune plainte traduisît ses émotions au vulgaire. Il l'admirait comme une belle œuvre d'art et, en même temps, une sourde rage de n'être pas celui qu'elle aimait le rongeait par moments. Quand il se sentait pris de jalousie, ce qui lui arrivait souvent, il allait voir Madame Brécard. La calme beauté, l'accueil avenant de la jeune femme, lui semblait le paradis après l'humeur inégale et les airs soucieux de Camille. Dans cette atmosphère souriante, il se détendait, et si sa nature profondément corrompue eût pu devenir meilleure, c'eût été sous l'influence de cette femme aimable et bonne. Seulement, comme il entrait dans la composition de Gustave Mirmont, beaucoup plus d'argile que d'or, il ne manquait pas une occasion de taquiner Camille en faisant, comme on dit, la cour à Madame Brécard. Celle-ci, sentant bien que ses amabilités passaient par-dessus sa tête, feignait d'y prendre plaisir, afin de pousser Camille vers son adorateur, grâce à l'esprit de contradiction qui fait le plus bel ornement de notre faible humanité. Paul, depuis que ces petites intrigues se nouaient autour de lui, avait perdu le beau calme qui le caractérisait naguère. Plus rompu au monde que sa femme, il sentait dans l'atmosphère quelque chose de fiévreux et de malsain, mais sans savoir à quoi l'attribuer. Il trouvait que Mirmont venait bien souvent, ce qui était vrai, que sa femme le recevait bien, ce qui était vrai aussi, que son intérieur n'était plus le même, que bébé était souvent maussade. Il ne s'expliquait pas que c'était seulement en présence de Camille. Et puis, un homme de 35 ans ne côtoie pas impunément une passion comme celle-là. Dans les regards contenus, dans les gestes de la jeune fille, dans le son de sa voix, dans la poignée de main officielle, mais où la main était brûlante et nerveuse, il sentait quelque chose de très dur, de très âpre, qu'il prenait pour de la pitié, et il se demandait pourquoi cette pitié. Sans savoir pourquoi, il se mit à rentrer brusquement à des heures insolites. Rien ne lui parut changé par cette nouveauté. Claire était aussi souriante, aussi calme que de coutume. Elle se contenta de lui faire observer que s'il changeait les heures de ses repas sans la prévenir, la bonne ne pourrait pas être exacte. Paul se fâcha le lendemain contre la bonne qui n'était pas prête et la mit à la porte, séance tenante. Ce détail de ménage se renouvela deux ou trois fois, et Camille alors se dit que son pauvre ami était bien mal servi. À partir de ce moment, le hasard voulut que Claire eût une série malheureuse de bonnes, et la jeune fille, qui méprisait les recherches du service domestique et se contentait de ses propres mains, prit l'habitude, à chaque visite, de demander à son amie si elle avait toujours la même bonne. Claire répondait à cette agression comme à une aimable plaisanterie, mais Paul s'en trouva blessé. « Tu te rends ridicule, » dit-il un jour à sa femme, « avec ces changements perpétuels. » Claire eût pu lui répondre que sur 7 ou 8 domestiques, c'était lui qu'elle avait renvoyé la moitié sans leur laisser le temps de répondre. Mais elle savait qu'à une injuste querelle, il faut se garder de rien répliquer, car les arguments les plus raisonnables se brisent contre le parti pris. Elle alla plus souvent à la cuisine, fit plus de besogne de ses propres mains, et Paul eut la satisfaction de voir le même visage pendant plus de 8 jours. « Tiens, tu as encore la même bonne, » dit Camille un jour en entrant. « Cela me surprend. J'avais pris l'habitude de voir une nouvelle figure à chaque visite. » Paul regarda sa femme qui souriait, et un grand remords le saisit au cœur. C'était parce que cette tête folle avait raillé sa douce Claire, qu'il lui avait fait un reproche immérité. Il comprit son injustice et en eut grande honte. Tournant alors son regard vers Camille, il surprit dans ses yeux luisants une flèche acérée qui frémissait encore. « On fait ce qu'on peut et non ce qu'on veut, mademoiselle, » dit-il, non sans un certain effort pour amener un sourire sur ses lèvres. « Trouvez-nous des bonnes qui élèvent à la hauteur d'un principe le sentiment du devoir, et nous n'en changerons plus. Pour ma part, je me récuse. Je n'en ai jamais rencontré. » Camille le regarda, blessé au cœur. Ce regard émut Paul malgré lui. Il lui disait si clairement, « Tu peux m'affliger tant que tu voudras. Tu sais bien que je suis sans défense contre toi. » Honteux de sa vivacité, mécontent de lui-même, il quitta les jeunes femmes, et Claire en fut un peu contrariée. Mais son âme sereine ne donnait pas d'autre portée à ce qu'elle voyait, et elle ne songea à cet incident que comme un des 1000 désagréments dont notre vie est émaillée. Il fallait cependant en convenir, ces petits désagréments se présentaient plus souvent qu'autrefois. Et cette augmentation datait de l'entrée de Camille dans l'appartement du boulevard Sébastopol. C'est pourquoi Claire ne mettait peut-être pas dans son accueil toute la cordialité d'autrefois. Mais la pensée que son ami était malade, menacé d'une mort prématurée, comme autrefois sa mère, ses griefs s'évanouirent soudain, son cœur chaud et bon se réveilla vivement, et elle ne pensa plus qu'au moyen de secourir la jeune fille. Pendant qu'elle prononçait le panégyrique de son mari, il rentra. Croyant Claire seule dans le salon, il s'approcha de la fenêtre, et dans le demi-jour produit par l'éclairage de la place, il se pencha sur la femme qu'il voyait assise dans le fauteuil pour l'embrasser comme il faisait toujours en rentrant. Camille sentit un frisson délicieux et mortel l'envahir à cette approche. Elle devait parler. Sa voix aurait indiqué à Paul la méprise qu'il allait commettre. Elle n'en eut pas la force. Mais au moment où la barbe soyeuse du jeune ingénieur effleurait déjà les cheveux de la jeune fille, Claire s'écria « Tu te trompes, Paul, c'est Camille, je suis ici. » Sa main attira le jeune homme vers elle, et il mit sur son front le baiser du retour, après quoi il s'excusa de sa méprise auprès de la jeune fille. « Je m'en vais, » dit celle-ci en se levant brusquement. « Pas toute seule, » répondit Claire, comme émue à la pensée que son ami était si malade. « J'en ai l'habitude, » reprit-elle brièvement. « Je vais vous reconduire, mademoiselle, » dit Paul en se dirigeant vers la porte. « Ne prenez pas cette peine, monsieur, » répliqua sèchement Camille. « Si, si, Paul, reconduis-la, » s'écria Claire. Pendant que la jeune fille mettait son chapeau, Madame Bricard attira son mari dans l'embrasure de la fenêtre. « Elle est très malade, mon ami, » lui dit-elle à voix basse. « Sa mère est morte toute jeune. La voilà malade comme elle. Fais-la parler, confesse-la, Il faut la sauver. » Elle poussa Brécard étonné vers la porte de l'antichambre, et 2 secondes après, il descendait l'escalier. Resté seul, Claire retourna auprès de son fils, dont l'imperturbable sommeil bravait toutes les conversations. Elle le regarda pendant un moment, silencieuse, presque triste, et une grosse larme, se détachant de Cécile, roula lentement jusque sur la couverture du berceau. « Pauvre enfant, » dit-elle tout bas, « si tu restais orphelin comme elle. Ah, mon cher petit, ne sache jamais ce que c'est que de grandir sans mère. » Une seconde larme suivit la première et tomba sur la menotte fermée de l'enfant qui se retourna et entr'ouvrit les yeux en murmurant « Maman ?»« Dors, mon chéri, » répondit doucement Claire en se penchant sur lui. « Dors, maman est là. » Il se rendormit aussitôt et Claire cessa de pleurer.